d'Octave Mirbeau, conte, grand 2.2. La mort du chien, mon oncle, le colporteur, Rabalan, l'assassin de la rue Montaigne, le petit gardeur de vaches et maroquinerie. Illustration musicale, In the Hall of the Mountain King, licence MuseOpen. La mort du chien. Son maître l'avait appelé Turc. Il n'avait pourtant rien d'un Turc, le pauvre. Bien au contraire, il était maigre, jaune, triste, de mise basse et de museau pointu, avec de courtes oreilles mal coupées, toujours saignantes, et une queue qui se dressait sur son derrière comme un point d'interrogation. L'été, Turc allait aux champs, gardait les vaches, aboyait le long des routes, après les voitures et les passants, ce qui lui attirait force coups de pied et force coups de pierre. Sa grande joie, c'était au milieu d'un chaume, tapissé de trèfles naissants, de lever un lièvre qui détala devant lui et, à travers haies, douves, ruisseaux et fossés, de le poursuivre en bonds énormes et en courses folles, dont il revenait essoufflé, les flancs sifflants, la langue pendante et ruisselante de sueur. L'hiver, alors que les bestiaux restaient à l'étable, engourdis sur leur litière chaude, Turc, lui, restait à la niche, un misérable tonneau défoncé et sans paille au fond duquel, toute la journée, il dormait, roulait en boule, ou bien longuement se grattait. Il mangeait une maigre et puante pitance, faite de crétons et d'eau sale qu'on lui apportait le matin dans une écuelle de grès ébréché. Et chaque fois que quelqu'un qu'il ne connaissait pas pénétrait dans la cour de la ferme, il s'élançait d'un bond jusqu'au bout de sa chaîne et montrait les crocs en grondant. Il accompagnait aussi son maître dans les foires, quand celui-ci avait un veau à vendre, un cochon à acheter, ou des stations à faire dans les auberges de la ville. D'ailleurs, résigné, fidèle et malheureux, comme sont les chiens, une fois, vers le tard, s'en revenant d'une de ces foires lointaines, avec son maître, arrêté à un cabaret de village, il le perdit. Pendant que le maître buvait des petits verres de 3-6, le chien s'était mis à rôder dans les environs, fouillant avidement les tas d'ordures, sans doute pour y déterrer un os ou quelque régal de ce genre. Quand il entra dans le cabaret, tout honteux de son escapade, et les reins prêts déjà aux bourrades, il ne trouva plus que deux paysans, à moitié ivres, qui lui étaient tout à fait inconnus, et qui le chassèrent à coups de pied. Turc s'en alla. Le village était bâti sur un carrefour, 6 routes y aboutissaient, laquelle prendre? Le pauvre chien parut d'abord très embarrassé, et dressa l'oreille, comme pour saisir dans le vent un bruit de pas connu et familier, flaira à la terre, comme pour y découvrir l'odeur encore chaude d'une piste. Puis, poussant 2 petits soupirs, prestement, il partit. Mais bientôt, il s'arrêta, inquiet et tout frissonnant. Il marchait maintenant de biais, avec prudence, le nez au ras du sol. Il s'engageait quelques mètres seulement dans les chemins de traverse qui débouchent sur la grande route, grimpait au talus, sentait les ivrognes étendus le long des fossés, tournait, virait, revenait sur ses pas, sondait le moindre bouquet d'arbres, la moindre touffe d'ajon. La nuit se faisait. À droite, à gauche de la route, les champs se noyaient d'ombre violette. Comme la lune se levait, montait dans le ciel, rose et triste, Turc s'assit sur son derrière et le col étiré, la tête droite vers le ciel, longtemps, longtemps, il cria au perdu. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Seuls les chiens des fermes voisines répondirent des profondeurs de la nuit aux sanglots du pauvre animal. Monsieur Bernard Dotaire sortait de chez lui à pointe d'aube et se disposait à faire sa promenade accoutumée. Il était entièrement vêtu de casimir noir, ainsi qu'il convient à un notaire. Mais comme on se trouvait au plus fort de l'été, Monsieur Bernard avait cru pouvoir égayer sa tenue sévère d'une ombrelle d'alpaga blanc. Tout dormait encore dans la petite ville. À peine si quelques débits de boissons ouvraient leurs portes, si quelques terrassiers, leur pioche sur l'épaule, se rendaient d'un pas lourd à l'ouvrage. « Toujours matinal, donc, monsieur Bernard, » dit l'un d'eux en saluant avec respect. Ce Bernard allait répondre, car il n'était pas fier, quand il vit venir, du bout de la promenade, un chien si jaune, si maigre, si triste, si crotté, et qui semblait si fatigué, que M. Bernard, instinctivement, se gara contre un platane. Ce chien, c'était Turc, le pauvre, lamentable Turc. « Oh oh !» se dit M. Bernard. « Voilà un chien que je ne connais pas. Oh oh !» Dans les petites villes, on connaît tous les chiens, de même qu'on connaît tous les citoyens. Et l'apparition d'un chien inconnu est un événement aussi important, aussi troublant, que celle d'un étranger. Le chien passa devant la fontaine qui se dresse au centre de la promenade et ne s'arrêta pas. « Oh oh !» se dit M. Bernard. « Ce chien que je ne connais pas ne s'arrête point à la fontaine. Ce chien est enragé, évidemment enragé. » Tremblant, il se munit d'une grosse pierre, le chien avançait, trottinant doucement, la tête basse. « Oh oh !» s'écria M. Bernard, devenu tout pâle. « Je vois l'écume. Oh oh, secours, l'écume, au secours !» En se faisant un rempart du platane, il lança la pierre, mais le chien ne fut pas atteint. Il regarda le notaire de ses yeux doux, rebroussa chemin et s'éloigna. En un instant, la petite ville fut réveillée par cette nouvelle affolante. Un chien enragé. Des visages encore bouffis de sommeil apparurent aux fenêtres. Des groupes d'hommes en bras de chemise, de femmes en camisole et en bonnet de nuit se formèrent, animés, sur le bas des portes. Les plus intrépides s'armaient de fourches, de pieux, de bêches, de serpes et de râteaux. Le menuisier gesticulait avec son rabot, le boucher avec son couperet, le cordonnier, un petit bossu au sourire obscène, grand liseur de romans en livraison, proposait des supplices épouvantables et raffinés. Où est-il? Où est-il? Pendant que la petite ville se mettait en état de défense et que s'exaltaient les courages, M. Bernard avait réveillé le maire et lui racontait la terrible histoire. Il s'est jeté sur moi, monsieur le maire, la bave aux dents. Il a failli me mordre, monsieur le maire, s'écriait M. Bernard en se tâtant les cuisses, les mollets, le ventre. Oh, j'ai vu bien des chiens enragés dans ma vie. Oh oui, bien des chiens enragés. Mais monsieur le maire, jamais, jamais, je n'en vis de plus enragé, de plus terrible. Oh, oh. Le maire, très digne, mais aussi très perplexe, hochait la tête, réfléchissait. C'est grave, très grave, murmurait-il. Mais êtes-vous sûr qu'il soit si enragé que cela? Si enragé que cela? S'écria M. Bernard indigné. Et vous, si vous l'aviez vu? Si vous avez vu l'écume et les yeux injectés et les poils hérissés, ce n'était plus un chien, c'était un tigre, un tigre, un tigre. Puis, devenant solennel, il regarda le maire bien en face et reprit lentement. Écoutez, il ne s'agit plus de politique ici, monsieur le maire. Il s'agit du salut des habitants, de la protection, du salut, je le répète, des citoyens. Si vous vous dérobez aux responsabilités qui vous incombe, si vous ne prenez pas à l'instant un parti énergique, vous le regretterez bientôt, monsieur le maire. C'est moi qui vous le dis, moi, monsieur Bernard, notaire. Monsieur Bernard était le chef de l'opposition radicale et l'ennemi du maire. Celui-ci n'hésita plus, et le garde champêtre fut mandé. Turc, réfugié sur la place où personne n'osait l'approcher, s'était allongé tranquillement. Il grignotait un os de mouton qu'il tenait entre ses deux pattes croisées. Le garde champêtre, armé d'un fusil que lui avait confié le maire, et suivi d'un cortège nombreux, s'avança jusqu'à 10 pas du chien. Du balcon de l'hôtel de ville, le maire, qui assistait au spectacle avec M. Bernard, ne put s'empêcher de dire à celui-ci « Et cependant il mange !» de la même voix que dut avoir Galilée en prononçant sa phrase célèbre. « Oui, il mange, l'horrible animal, le sournois !» répondit M. Bernard. Et s'adressant au garde champêtre, il commanda « N'approche pas, imprudent !» L'heure devint solennelle. Le garde champêtre, le képi sur l'oreille, les manches de sa chemise retroussées, le visage animé d'une fièvre héroïque, arma son fusil. « Ne te presse pas !» dit une voix. « Ne le rate pas !» dit une autre voix. « Vise-le à la tête !»« Non, au défaut de l'épaule !»« Attention !» fit le garde champêtre, qui, sans doute gêné par son képi, l'envoya d'un geste brusque rouler derrière lui, dans la poussière. « Attention !» Et il ajusta le chien, le pauvre chien. Le lamentable chien qui avait délaissé son os regardait la foule de son œil doux et craintif, et ne paraissait pas se douter de ce que tout le monde voulait de lui. Maintenant, un grand silence succédait au tumulte. Les femmes se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la détonation. Les hommes clignaient des yeux. On se serrait l'un contre l'autre. Une angoisse étreignait cette foule, dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire et d'horrible. Le garde-champêtre ajustait toujours. Pan! Pan! Et en même temps éclata un cri de douleur déchirant et prolongé, un hurlement qui emplit la ville. Le chien s'était levé. Clopinant sur trois pattes, il fuyait, laissant tomber derrière lui de petites gouttes de sang. Et pendant que le chien fuyait, le garde-champêtre stupéfait regardait son fusil. La foule hébétée regardait le garde-champêtre et le maire, la bouche ouverte. Regardez, monsieur Bernard, saisi d'horreur et d'indignation. Turc a couru toute la journée, dansant affreusement sur ses trois pattes, saignant, s'arrêtant parfois pour lécher sa plaie, repartant, trébuchant. Il a couru par les routes, par les champs, par les villages, mais partout la nouvelle l'a précédé, la terrifiante nouvelle du chien enragé. Ses yeux sont hagards, son poil hérissé, de sa gueule coule une bave pourprée. Et les villages sont en armes. Les fermes se hérissent de faux, partout, des coups de pierre, des coups de bâton, des coups de fusil. Son corps n'est plus qu'une plaie, une plaie horrible de chair vive et hachée qui laisse du sang sur la poussière des chemins, qui rougit l'herbe, qui colore les ruisseaux où il se baigne. Et il fuit toujours, et il bute contre les pierres, contre les mottes de terre, contre les touffes d'herbe, poursuivi sans cesse par les cris de mort. Vers le soir, il entre dans un champ de blé haut et mûr, dont la brise balance mollement les beaux épis d'or. Les flancs haletants, les membres raisis, il s'affaisse sur un lit de buée et de coquelicots. Et là, tandis que les perdrix égayés rappellent, tandis que chante le grillon au milieu des bruissements de la nature qui s'assoupit, sans pousser une plainte, il meurt, en évoquant l'âme des pauvres chiens qui dorment dans la lune éclatante et magique. Mon oncle. Je n'ai pas connu ma mère, que je tuais en venant au monde, et j'avais 12 ans à peine quand mon père mourut. Le jour que ce malheur arriva, le bon curé Blanchetière, qui nous aimait beaucoup, me serra en sanglotant contre sa poitrine. Puis il me considéra longuement, et des larmes plein les yeux, il murmura plusieurs fois « Pauvre petit diable !» Je pleurais très fort moi aussi. Et c'était surtout de voir pleurer le cher curé, car je ne voulais pas me faire l'idée que mon père fût mort, et que plus jamais il ne reviendrait. Durant sa maladie, on m'avait défendu de pénétrer dans sa chambre, et il était parti, sans que je l'eusse embrassé. Pouvait-il donc m'avoir ainsi quitté? J'implorais avec ferveur la belle image de la Vierge coloriée à laquelle, tous les soirs, avant de me coucher, j'adressais ma prière. « Sainte Vierge, accordez une bonne santé et de longues vies à mon père chéri. » Mais le curé ne m'avait-il pas dit « Pauvre petit diable !» d'un ton d'irrémédiable pitié, et de quoi m'eût-on plaint de la sorte, sinon d'avoir perdu mon père? Je ne me souviens, comme si c'était hier, des moindres détails de l'affreuse journée, de la petite chambre où j'étais enfermé avec ma bonne, le front contre la vitre, à travers les persiennes fermées. Je regardais les pauvresses s'accroupir sur la pelouse, un cierge à la main, et marmotter des oraisons. Je regardais les gens entrer dans la cour, les hommes en redingotes sombres, les femmes longs voilées de noir. Je remarquais que tous avaient des figures graves, désolées, tandis que, près de la grille, grande ouverte, des enfants de cœur, des chantres embarrassés dans leurs chapes noires, des frères de charité avec leurs dalmatiques rouges, dont l'un portait une bannière et l'autre la lourde croix d'argent, riaient en dessous, s'amusait à se bourrer le dos de coups de poing. Le bedeau, agitant des tintenelles, refoulait dans le chemin les mendiants curieux, et une voiture de foin qui s'en revenait fut contrainte de s'arrêter et d'attendre. En vain, je cherchais des yeux le petit Soriel, un enfant estropié de mon âge, à qui mon père m'avait autorisé de donner une miche de pain tous les samedis. Je ne l'aperçus point, et cela me fit de la peine. Et tout à coup, l'église, qui, en face de moi, montrait son toit gauchi et sa vieille tour d'ardoise, mal d'aplomb au-dessus d'un bouquet d'acacias et de marronniers roses, les cloches tintèrent. Le ciel était d'un bleu profond, le soleil flambait, le cortège se mit en marche, mais bientôt je ne vis plus, dans la cour et sur la route, qu'une grande foule grouillante au milieu de laquelle je ne distinguais que la bannière noire et mon cousin Mérel, très rouge, qui s'épongeait le crâne avec un mouchoir à carreaux. Les cloches tintèrent longtemps, longtemps. Dong, ding, dong. Ah, le long et triste glas. Aujourd'hui, 20 ans ont passé. Le bon curé repose dans le cimetière, le cousin Mérel n'est plus. Des acacias et des marronniers, les uns sont morts, les autres abattus. L'église est rebâtie, elle a un portail ouvragé, des fenêtres larges en ogives, de riches gargouilles qui figurent des gueules embrasées de démons. Le clocher de pierre neuve rit gaiement dans le soleil. Et j'entends toujours ce glas, toujours. J'entends le curé me dire en pleurant: pauvre petit diable. Et je revois le bedeau et ses tintenelles, les chantres et leurs chapes, le mouchoir à carreaux du cousin Mérel, la foule noire qui ondule, et aussi les hirondelles et les trois pigeons blancs qui, pendant tout ce jour, voltèrent autour du vieux clocher branlant. La cérémonie terminée, mon oncle vint me voir. J'eus grand-peur et un frisson me prit. D'ordinaire, il me terrifiait avec sa haute stature, sa figure bourrue et sa voix que je jugeais pareille à celle des bêtes féroces. Mais ce jour-là, il me parut plus terrible encore. Mon oncle commença de s'ébrouer, comme faisaient d'autres juments, puis il tourna et retourna dans la petite chambre, sans parler, les deux mains derrière le dos. Qu'allait-il m'arriver? Le cœur me battait très fort. Et je me serais caché sous le lit si j'avais osé. Je ne l'aimais pas. D'abord, il ne donnait jamais rien au premier de l'an, pas même des oranges. Et une fois que dans son jardin, j'étais tombé, en jouant, au milieu d'une corbeille de tulipes, il m'avait battu, fouetté avec la houssine qui lui servait à rosser ses chiens. Ayant fini de marcher, il s'arrêta, me saisit les bras et me secouant rudement. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Me dit-il. On ne peut pourtant pas te laisser mourir, pourrir ici. J'aurais voulu parler, crier, supplier mon oncle qu'il me laissât avec la vieille victoire que j'aimais tant et qui était si bonne pour moi. Ma terreur était telle qu'il me fut impossible d'articuler un son, d'exprimer un geste. J'avais les membres comme brisés et quelque chose me barrait la gorge. Allons, reprit mon oncle en se remettant à marcher de long en large dans la chambre. Allons, je t'emmène. S'adressant à Victoire, qui gémissait et avec le coin de son tablier essuyait ses yeux tout humides de larmes, il commanda: Toi, prépare un paquet de séardes, pas trop gros, et vite. Et puis ne pleurniche pas comme ça, vieille bête. Ne dirait-on pas ma parole que c'est toi qui l'as fait, ce marmot? Pendant le trajet, qui dura 2 heures, je me sentis l'âme glacée. Je me rencognai au fond du cabriolet, tout petit, à côté du grand corps de mon oncle, qui oscillait suivant les cahots de la voiture, et je pensais à mon père, à la douce Victoire, au petit Soriol, à mon tambour, à mes livres d'images. Je regrettais surtout d'avoir oublié un joli couteau que le cousin Mérel m'avait donné pour ma fête. Quant à mon oncle, il tua, avec le manche de son fouet, une quantité prodigieuse de temps qui s'abattait sur la croupe du cheval, et il ne m'adressa la parole que pour me dire: Et tu sais, mon garçon, gare aux tulipes. Mon oncle dirigeait une vaste exploitation agricole et s'adonnait particulièrement à l'élevage. C'était un personnage important dans le pays et qui passait pour très malin. Il n'y avait pas de concours régionaux où il ne remportât les prix les plus convoités. La salle à manger était littéralement tapissée de médailles d'or, d'argent, de bronze, couverte de brevets à cachet rouge, de mentions honorables, de parchemins de toutes sortes, richement encadrés, qui glorifiaient les étalons, les vaches, les moutons, les porcs, les volailles, les betteraves, les carottes, les choux, les tulipes de mon oncle. Il se montrait d'autant plus fier de ses succès qu'il mettait une grande vanité à ne cultiver qu'à l'ancienne mode et qu'il méprisait fort les inventions nouvelles. Un tas de saloperies, disait-il. La maison était tenue par une belle paysanne, propre, grasse et rose, qu'on appelait Mamselle Geneviève, et qui me parut avoir, vis-à-vis de mon oncle, des familiarités dont je fus choqué tout d'abord. Quoique régulièrement elle ne fût que cuisinière, elle affectait de prendre des airs de maîtresse de maison, et tout dans le ménage semblait lui appartenir, jusqu'à mon oncle, qui se faisait très doux, et même, je le remarquai plus tard, très petit garçon devant elle. Il m'arriva par la suite de les surprendre en des occupations mystérieuses ou des postures bizarres, ce qui me gêna beaucoup et me valut force bourrade. Je ne m'ennuyais pas trop les premiers temps. Mlle Geneviève n'était pas méchante avec moi. Victoire venait de loin en loin m'apporter des gâteries et, hormis qu'on m'avait défendu de m'approcher des corbeilles de tulipes, j'avais liberté de vagabonder partout où cela me plaisait. Je me liais avec les bergers, les hommes d'écurie, les filles de ferme, les charretiers. Je passais des après-midi entiers dans les écuries et les étables, suivais les vaches à l'herbage, tourmentais les bêtes dans la basse-cour. La grossièreté de ces gens, leur conversation mêlée de gros mots et de coups, me faisait bien un peu peur, mais je m'habituais vite à ces bucoliques façons, et j'appris, sans difficulté, à jurer comme un homme. Ce fut même tout ce que j'appris. Mon oncle s'absentait souvent et restait parfois 8 jours hors de chez lui. Il courait les foires lointaines et marchait, s'occupant de vendre ses bœufs, de faire primer ses chevaux. Quand il revenait, il ne manquait jamais de dire au père marin, un paysan sec et couleur de terre, qui lui servait de régisseur. « Eh bien, quoi de nouveau ? Rien ?»« Faites excuse, » répondait le père marin. « Nous avons eu 3 naissances ce matin, monsieur Leschen. »« 3 naissances ? » exclamait mon oncle, en se frottant les mains. « Sapristi, et beau, hein ?»« Capa plus bio, monsieur Leschen. » »« Bon, je vais voir ça. » Il se dirigeait vers l'étable où, sur la lisière chaude, 3 petits veaux étaient couchés, dont les mères, 3 vaches, aux robes bringelées, léchaient le corps humide de sanguinolence gluante. De sa main savante, mon oncle les tournait, les soulevait, palpait leurs membres, leur tâtait le derrière. Ah, « ça passe bien 70, n'est-ce pas » interrogeait-il. Et le père marin, se grattant le menton, la mine très grave, répondait « plutôt plus que moi, monsieur Leschen. » De l'étable, il se rendait aux écuries et à contempler dans leur box de noyer ces 6 étalons percherons qui, la crinière fougueuse, la croupe reluisante, hennissaient fièrement à la vue de leur maître, il éprouvait un sentiment d'orgueil enthousiaste et de joie infinie. Il s'attardait près d'eux, les flattait avec délicatesse, leur prodiguait les appellations les plus tendres. Oh, « Oh, mes petites poulettes, tourne mon bijou !» les auscultant, examinant les jambes, avec la crainte d'y découvrir une veine engorgée, un tendon dévié. Puis, il inspectait la veine qui remplissait les mangeoires. Il en prenait des poignées qu'il flairait, goûtait, le sourcil froncé. « Qu'est-ce que c'est encore que cette avoine-là » s'écriait-il avec colère. « C'est toujours la même, monsieur Leschen, » disait l'homme d'écurie, les 2 mains appuyées sur son balai. « La même ? La même ? La même quoi, bougre d'animal ? Je t'ai dit 100 fois de ne leur donner que de l'avoine de la heurtelière. « Mais c'en est, monsieur Leschen, pour le sud, c'en est !» La cloche du déjeuner le surprenait en ses inspections, et bougonnant, il rentrait à la maison où, parfois, l'attendaient quelques amis du voisinage, ou bien un gros fermier, ou bien un marchand de chevaux, venu pour traiter d'une affaire importante. La conversation ne roulait jamais sur l'élevage des bestiaux, le cours des grains, l'abondance des marchés. On y discutait aigrement les règlements des haras de l'État, avec une profusion de détails techniques qui me faisaient rougir, sans que je comprisse pourquoi, et bien que je fusse aguerri à la rudesse de ces terres. Les convives parlaient haut. Dans l'animation de leur récit, ils tapaient sur la table chargée de bouteilles, s'emportaient contre les concurrences étrangères et contre ce sale gouvernement qui, sans en avoir l'air, voulait la ruine du cultivateur et attirait à la ville tous les jeunes gens. Je ne prenais jamais part à ces conversations auxquelles je n'entendais rien, et qui m'ennuyaient immensément. Du reste, absorbé par leurs discussions économiques, où les mots écu et pistole sonnaient à tout propos, ils semblaient ignorer ma présence. On descendait ensuite aux herbages, et là, il fallait deviner d'un coup d'œil le poids marchand des bœufs et l'avenir des betteraves. Le gros fermier s'extasiait toujours. « Comme à profit de vos bêtes, disait-il. C'est bien gentil, ben gentil. Et dame, la terrier, c'est la terre qu'il faut, et puis l'eau à volonté. Ben gentil. » Les autres parties, mon oncle finissait sa journée en massacrant quelques chats rôdeurs. Entre autres manies, mon oncle avait celle de tuer tous les chats qu'il rencontrait. Il faisait à ces pauvres bêtes une chasse impitoyable, une guerre acharnée de trappeurs. Quand il voyait sur le sable des allées un piquet de chats, il entrait aussitôt dans une colère affreuse. S'embusquant alors derrière un massif, le fusil au poing, il attendait, des heures, qu'un chat vint à passer. Souvent, la nuit, par les beaux clairs de lune, il se levait et restait à l'affût jusqu'à l'aube. Il fallait le voir, son fusil sur l'épaule, tenant par la queue un cadavre de chat sanglant et raide. Jamais je n'admirai rien de si héroïque, et David, quand il eut tué Goliath, ne dut pas avoir l'air plus enivré de triomphe. D'un geste auguste, il jetait le chat aux pieds de Mlle Geneviève qui disait « Oh, la sale bête !» et faisant sécher, au bout d'un bâton, la peau qu'elle vendait aux Auvergnats. Un jour, nous nous promenions dans le jardin, mon oncle et moi. Mon oncle avait une longue canne terminée par une brochette de fer, au moyen de laquelle il enfilait les limaces et les escargots, mangeurs de salade. Soudain, au bord du bassin, nous vîmes un petit chat qui buvait. Nous nous dissimulâmes derrière une touffe de seringa. « Petit, me dit mon oncle tout bas, va vite me chercher mon fusil. Mais prends bien garde qu'il ne te voit. » Et s'accroupissant, il écarta avec précaution les brindilles de seringa de manière à suivre tous les mouvements du chat qui, arc-bouté sur ses pattes de devant, le col étiré et frétillant de la queue, lapait l'eau du bassin et relevait la tête de temps en temps pour lécher ses moustaches. « Allons, répéta mon oncle, déguerpille !» Ce petit chat me faisait grand pitié. Il était si joli, avec sa fourrure fauve rayée de noir soyeux, ses mouvements souples et menus, et sa langue pareille à un pétale de rose qui pompait l'eau. J'aurais voulu désobéir à mon terrible oncle. Je songeais même à faire du bruit, à tousser, à froisser rudement les branches pour avertir le pauvre animal du danger. Mais mon oncle me regarda avec des yeux si colères que je m'éloignai dans la direction de la maison. Je revins bientôt avec le fusil. Le petit chat était toujours là, confiant. Il avait fini de boire. Assis sur son derrière, les oreilles dressées, les yeux brillants, le corps frissonnant, il suivait, dans l'air, le vol d'un papillon. Oh, ce fut une minute d'indicible angoisse. Le cœur me battait si fort que je crus que j'allais défaillir. « mon oncle !» criai-je. En même temps, le coup partit. J'entendis un miaulement d'abord plaintif, puis douloureux. Oh, si douloureux! On eût dit le cri d'un enfant. Et le petit chat se tordit, gratta l'herbe et ne bougea plus. Le lendemain, en visitant ses étalons, mon oncle fut frappé d'un coup de pied dans le ventre, au moment même où il disait « Tourne, mon bijou !» Il resta 3 mois couché sur le dos, dans son lit, blasphéma dans la souffrance, déshérita 2 fois Mlle Geneviève, qui ne le guérissait pas assez vite, se confessa, bien qu'il fût voltairien, reçut l'extrême onction. Finalement, il ne mourut point. Pauvre chat. Le colporteur. « Et vous, Hurtaud ? » demanda-t-on de toutes parts. En entendant son nom, Hurtaud sembla se réveiller. Il se dressa à demi sur le divan où il s'était allongé, se frotta les yeux et regarda ses amis d'un air vague. C'était un gros homme, court et tassé, très étrange. Il avait un ventre énorme qui croulait en bourrelets flasques sur des cuisses presque maigres, une face toute rose et glabre, des cheveux verts qui lui plaquaient aux tempes et qui, droit sur le sommet du crâne, pointaient en s'effaçant dans l'air. Ses yeux pâles et sans prunelles ressemblaient aux yeux inachevés d'un portrait à l'aquarelle. et ses mains molles, gélatineuses, étaient creusées de fossettes profondes. « Ah oui, » fit-il, comme s'il se fût souvenu tout à coup. « C'est à mon tour de conter une histoire. »« Parfaitement. » Il se leva tout à fait, passa la main entre les chancrures de son gilet et le plastron de sa chemise, qui godait, tira les revers de son habit et s'assura que le nœud de sa cravate n'avait pas été dérangé. Une bonne farce, allez, une bien bonne farce. Parfaitement. Donnez-moi du feu. Hurtaud alluma un cigare à la flamme d'une bougie qu'on lui tendit et se rassit gourdement. Pendant quelques secondes, il roula son cigare entre le pouce et l'index, à hauteur de l'œil droit, suivi du regard le mince filet de fumée qui montait en spirale bleuâtre. Puis il dit « Un jour, la fille de ma femme de basse-cour, Rosalie Rigard, une enfant de 16 ans, fut violée dans mon bois par un colporteur qui passait. L'affaire eut dans le pays un grand retentissement, car la petite faillit mourir, s'étant désespérément débattue. Et l'on arrêta le colporteur qui fut envoyé aux assises et condamné à 5 ans de réclusion. Bien que je rencontrasse Rosalie tous les jours, jamais je n'avais pensé à la considérer comme une femme. Et il ne fallut rien moins que cet événement pour que je m'aperçusse qu'elle était jolie, très jolie, jolie délicieusement. Très longue, la tête toute petite, la démarche lente, inclinée, avec je ne sais quoi d'aérien. On eût dit d'une âme. Elle semblait faite pour glisser en robe blanche dans des paysages liturgiques, une branche de lys ou un rameau d'or à la main. En réalité, elle traillait les vaches, cette âme. Elle crochait le fumier dans la cour, ce rêve. Dès le lendemain du crime, je devins éperdument amoureux de Rosalie. Je songeais aussitôt à en faire une ma maîtresse. Mais je me heurtais à une résistance entêtée et joviale, qui exaspéra et redoubla ma passion. À chaque tentative de caresse, elle répondait par ces simples mots qui prenaient dans sa bouche, ou plutôt dans son imagination, la suavité d'une musique exquise et rare. « Hé là, nous te mettes, hé là donc !» Un matin, j'étais allé la retrouver dans l'étable. Elle me repoussa en riant. « Hé là, nous te mettes, je suis-tu une vache qui vous maniez de cette fosse-là ? Hé là donc !»« Voyons, Rosalie, lui dis-je, sois raisonnable. » Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Souviens-toi du colporteur dans le bois. » Elle fut prise d'un fou rire. La tête renversée, se tenant les côtes, elle riait, riait, riait, au point que les vaches étonnées tournèrent leurs mufles vers elle et se mirent à meugler. Et dans ce rire acharné, grandissant, dans ce rire pareil à un réveil matin qui se détraque, j'entendis ces mots, coupés de roulades sonores et de fusées sifflantes. « Colporteux ? Hé hé hé, sacré colporteux, hi hi hi. » Je lui offris de l'argent, une robe neuve, une vache et une petite maison. Elle n'en voulut pas. Au bout de 2 mois, comprenant l'inutilité de mes séductions, et de plus en plus obsédé, irrité, hanté par l'idée d'avoir cette femme, je l'épousai. Le lendemain même de mon mariage, j'étais le plus désenchanté des hommes. Ma passion tomba, et en s'effaçant, l'image du colporteur que j'associais toujours à l'image de Rosalie emporta en même temps toute la poésie de cet amour. Oui, messieurs, toute la poésie. Un peu de cognac, s'il vous plaît. Hurtaud but d'un trait le contenu d'un petit verre, ralluma son cigare qui s'était éteint, et continua ainsi d'une voix douce. Je ne suis pas bon, je suis même féroce, je crois. Étant tout gamin, j'ai tué ma sœur et de la plus comique façon du monde, je vous assure. Ma sœur était très gourmande et un peu poitrinaire. Le médecin l'avait mise au régime de l'huile de foie de morue. C'était la mode alors. Une cuillère à bouche tous les matins. Cela la dégoûtait fort, mais lui faisait beaucoup de bien. Un jour, désirant m'amuser, j'allai dans sa chambre avec la bouteille d'huile et une bonbonnière pleine de pastilles de chocolat. Et elle prit sa cuillerée, comme d'habitude, en grimaçant. Avale celle-ci, lui dis-je, et tu auras une belle pastille. Et encore celle-ci. Et à chaque cuillerée, je lui donnais une pastille. Et elle avalait la cuillerée d'huile pour manger, la pastille de chocolat. Si bien qu'elle but ainsi, cuillerée par cuillerée, et pastille par pastille, toute la bouteille. Naturellement, elle fut très malade. Elle eut des vomissements, puis la fièvre, puis des convulsions. Finalement, elle mourut. Hé hé. Hurtaud laissa échapper un petit rire doux et léger, comme un son de flûte. Un petit rire qui gonflait et faisait onduler sur sa cuisse les plis de son ventre d'un mouvement de vague expirante. Mais laissons ces souvenirs de la première enfance, poursuivit-il, et revenons à Rosalie. Je me repentis fort, ainsi que vous devez penser, d'avoir épousé cette pastoure. Et ce qui m'étonne, c'est que je n'ai rien tenté contre elle à cette époque. Du reste, je dois vous dire qu'elle m'était devenue très indifférente, et ne me gênait en quoi que ce soit. Je la voyais fort peu, ayant pris l'habitude de passer presque toute l'année à Paris. Je ne venais guère chez moi que pour toucher mes fermages. Et lors de ces rares apparitions, Rosalie continuait de m'appeler « Noutmet ». Voilà tout. 4 années s'écoulèrent ainsi. Parfois, il m'advint, me retrouvant en présence de l'étrange et si délicate beauté de ma femme, d'essayer d'évoquer l'image évanouie du colporteur. En vain. L'image était effacée irrémédiablement. Le charme s'était enfui, pour toujours. Ai-je dit pour toujours ? Oui, ça ne fait rien. Écoutez, je vous prie, ce qui va suivre. Ma propriété est située à 3 kilomètres d'Argentan, assez loin de la route, en pleine campagne. Je n'ai pas d'autres voisins que les gens de la ferme, séparés du château par un petit bois de hêtre. C'est très commode pour beaucoup de choses. Quelquefois, lorsque j'arrive, je préviens qu'on envoie une voiture me chercher à la gare. Souvent, je ne préviens pas, non que je répugne à déranger mes chevaux et mon monde, mais parce que très souvent, le matin à 10 heures, j'ignore si je n'aurai point l'idée de partir à midi. D'ailleurs, je porte toujours sur moi une clé de la maison. C'était un mardi du mois d'août, à 11 heures du soir, il y a de cela 2 ans. J'avais pris par la traverse qui raccourcit de moitié la distance de la gare à chez moi. Il faisait une nuit splendide, claire, étoilée. Je me souviens que, dans les champs, les grillons chantaient et que très loin, à la lisière du bois, j'entendais le chat-huant sonnant les heures nocturnes. Malgré mon obésité, je marchais allègrement, tout heureux de décrasser mes poumons à cet air limpide, à cet air lustral des belles nuits d'été. Quand j'arrivais devant le château, je vis qu'il y avait la lumière aux fenêtres de ma chambre. Cela m'étonna, car à cette heure tardive, tout le monde devait dormir depuis longtemps. Et puis, pourquoi ma chambre était-elle éclairée? Oui, pourquoi ma chambre? Très intrigué, j'allais quérir une échelle. Je l'appliquai contre le mur et montai avec d'infinies précautions. Or, voici ce que distinctement j'aperçus. Sur le lit défait, et dont les bras tombaient, couvrant le parquet tout autour, sur mon lit, un homme tout nu. Et cet homme, c'était le colporteur. Sur mon lit, une femme tout nue, et cette femme, c'était Rosalie. Il devait être épuisé de fatigue, car il dormait profondément, l'un près de l'autre, allongé, les bras collés au corps, comme des cadavres. Je les contemplai longtemps, souhaitant qu'ils se réveillassent. Ainsi, le colporteur était revenu. De quel bagne, de quelle tanière, du fond de quel trou noir? Que m'importait? Il était revenu et il était là. Du haut de mon échelle, la tête appuyée contre la vitre lumineuse de ma chambre, je le voyais qui dormait chez moi, dans mon lit. Le colporteur. Je m'emplissais les yeux de cette image retrouvée, de cette image que j'avais cru perdue à jamais. Et dans mon cœur, dans toutes mes veines, je sentais peu à peu se rallumer, courir la flamme de passion dont j'avais jadis brûlé et dont je brûlais à nouveau pour cette femme, ma femme, 2 fois souillée par lui. Un flot de sang neuf jaillit jusqu'à mon cerveau. J'eus comme un étourdissement et je dus m'accrocher fortement au rebord de la croisée pour n'être pas précipité dans le vide. Il dormait toujours, gavé de luxure. Mon parti fut vite pris. Il fallait fixer l'image dans mon esprit par une épouvantable folie, de façon à ce qu'elle ne m'échappât plus. Je descendis. À mesure que le récit se faisait plus haletant, la voix de Hurtaud se faisait plus douce, caressante et légère. Il continua d'un ton plus suave encore. J'allai dans la sellerie, où je choisis des courroies solides dont j'éprouvais la force de résistance, et, muni de mon paquet, j'ouvris prudemment la porte de la maison et m'engageai à tâtons dans les corridors et l'escalier. Un chat rôdeur passa entre mes jambes et faillit me renverser. Je mis 10 minutes, peut-être davantage, pour pénétrer jusqu'à la chambre. Il dormait toujours. Je m'avançai sur la pointe des pieds, retenant ma respiration. À plusieurs reprises, sous mes pas, le parquet craqua. Un verre d'eau résonna sur une table mal assujettie. Ils dormaient toujours. J'entendais leur souffle fort et régulier près de moi. Et tout d'un coup, comme une masse, je m'abattis sur le colporteur que je bâillonnais et ligotais, en un clin d'œil. Rosalie s'était levée, tout effarée. Elle avait poussé un cri terrifié. « Tais-toi, ma chère âme, lui dis-je. Je t'aime, ne crains rien, et à deux mois. » Je soulevai le colporteur et l'attachai solidement à l'une des colonnes du lit. Et Rosalie, tremblante, était venue se rouler en boule comme un chien à mes pieds. « Ne crains rien, petite âme chérie, répétai-je. Pourquoi trembler ainsi, puisque je t'aime ?» Alors je commençai à torturer le colporteur. Je lui arrachai un par un tous les ongles des mains et tous les ongles des pieds. Il ne pouvait hurler sous la douleur, car j'avais eu soin de lui bâillonner la bouche avec une serviette. Mais le sang coulait. Les tendons du cou, des mains et des jambes s'allongeaient et vibraient comme des cordes de violon. Une effroyable expression d'agonie tordait ses yeux. Toute sa chair humide de sueur et de sang palpitait, horriblement remuée. Et je vis les muscles se fondre sous la peau, dans le creux des os décharnés, les côtes saillir et cercler le thorax, les cheveux se coller au crâne qui verdissait. « toute maître !» suppliait Rosalie, folle d'épouvante. Cela dura 12 heures. Je ne perdis aucun des mouvements, aucune des grimaces, aucun des frissons de cette chair suppliciée. Et quand je fus certain que l'image ne s'en irait plus, comme le colporteur n'était pas mort, je l'assommai d'un coup de candélabre sur la tête. Il y eut un silence douloureux. Toutes les poitrines étaient oppressées. Personne n'osait regarder Hurtaud. Celui-ci, calme, se leva, chassa d'une chiquenaude une petite parcelle de cendre de cigare tombée sur son pantalon et prenant son chapeau. « Eh bien, messieurs, depuis ce jour, j'aime Rosalie. Et je lui fais horreur, mais je l'aime ainsi. Et Rosalie me dit, « Ah, Loutmet, quand vous m'embrassez, il me semble toujours que vous avez dans la bouche comme un petit goût de sang. » « Que voulez-vous? De la bêtise et de la folie, beaucoup de boue et beaucoup de sang. C'est ça, l'amour. Serviteur. » Rabalant. Le jour n'apparaissait pas encore au-dessus des coteaux de Saint-Jacques. Quand Rabalan sortit de sa maison, misérable masure en torchis, croulante, à peine couverte de quelques paquets de landes sèches en guise de toit, isolée au milieu d'une bruyère qui la séparait du bourg des Trelottes, dont les petites habitations, à 5 mètres de là, sur la gauche, se tassaient inégales et sombres, autour d'un clocher pointu. Le visage de Rabalan était si pâle qu'il semblait rayonner sourdement, comme fait un linge blanc, dans l'obscurité. Son casse-pierre sur l'épaule, le carnier de toile bourré d'un morceau de pain bis sur le dos, il dévala la bruyère, prit la route, traversa le bourg où des hommes qui partaient au champ s'écartèrent de lui avec effroi en faisant des gestes symboliques. À la sortie de Trelotte, il ne s'arrêta point devant l'auberge dans laquelle des ouvriers buvaient, le coude levé, et il s'engagea dans une sente qui, par la vallée, mène au bois de Pied-Fontaine. Le jour parut, frileux et triste. De grandes brumes traînaient sur les prairies, le ciel était bas. Comme il marchait lourdement, en balançant la tête dans la sente étroite que des flaques d'eau coupaient de distance en distance, Rabalan rencontra une paysanne, les manches retroussées jusqu'au coude, qui portait un seau plein de lait. La paysanne aussitôt obliqua dans le pré, posa son seau sur l'herbe et se signa. Rabalan continua sa route. Plus loin, il croisa une vieille femme qui trottinait sur un âne. « Hé, la Thibaude, » dit-il. « Bonjour, la Thibaude, bonjour !» Mais la Thibaude se mit à trembler, faillit tomber de son âne, et tout effarée, « Sainte Vierge » implora-t-elle. Et se frappant la poitrine, elle marmotta d'étranges oraisons. Rabalan couvra le dos, balança davantage sa tête et poursuivit son chemin. Ayant quitté la vallée, passé la rivière sur un pont au feu de 2 arbres jetés d'un bord à l'autre, il montait une traverse qui longe les champs et s'enfonce sous le bois, rocailleuse et raide. Une vache qui paissait l'herbe abrutie du talus leva son mufle vers lui. Elle était rouge avec des taches plus blanches que du lait sur les flancs, et ses fanons pendaient sous sa gorge, pareils à d'éclatants jabots. « Une bien belle vache, se dit Rabalan, bien belle. » Il s'approcha d'elle, lui parla gentiment, la caressa sur la tête, sur le poitrail, sur le dos, lui tâta le derrière, pour se rendre compte sans doute de ses qualités bouchères, s'amusa à regarder si les cornes étaient bien pointues du bout. « Une bien belle vache, » répétait-il. Tout à coup, un homme qui avait un grand bâton à la main se montra dans la traverse. Il gesticulait, était très en colère, sacré. « Pour que tu touches à ma vache ? Hé ! Je touche pas à ta vache, mais je te dis que tu touches. Je te dis que j'y touche pas. Je te dis que si. Je te dis que non. » L'homme invoqua Dieu, les saints, se signa trois fois, et faisant tournoyer son bâton dans l'air, il en asséna un coup furieux sur le crâne de Rabalan, qui chancela et étendit les bras et s'abattit comme une masse dans le chemin, inerte. Durant quelques minutes, l'homme resta là, bouche ouverte, yeux écarquillés, stupide. Puis il se pencha sur le corps de Rabalan, en ayant soin de ne pas le toucher. « Es-tu mort ? » cria-t-il. « Hé, Rabalan, es-tu mort ?» Se relevant, il se gratta la tête, perplexe. « Elle est mort, bien sûr, puisqu'il dit rien. « Quoi qu'il va m'arriver ?»« Ah, matin ! Hé, Rabalan !» Le Rabalan, la face contre terre, ne remua pas. « Il est mort, mort, mort !» se dit-il, devenant tout pâle. Alors il cassa son bâton en deux, traça un cercle autour du corps étendu de Rabalan, jeta dans le cercle les deux bouts brisés et poussant sa vache devant lui. « Hu !» fit-il, et il disparut dans le bois. Le vent s'éleva, qui fit s'envoler et tourbillonner les feuilles jaunes des arbres, et la pluie tomba, fine, oblique, cinglante et froide. Rabalan n'était point mort. Il remua une jambe, puis l'autre, secoua sa tête, posa les paumes de ses mains à plat sur le sol, se redressa à demi, regarda à sa droite, à sa gauche, devant lui, derrière lui. Il semblait très étonné de voir personne et de se trouver couché ainsi, en travers d'un chemin. S'aidant de ses mains, de ses genoux et de ses coudes, il parvint enfin à se remettre debout. Il ramassa son casse-pierre, rajusta son carnier qui avait glissé sur sa poitrine, et continua sa route, le cerveau un peu étourdi et douloureux, les jarrets tremblants. Rabalan était le dernier représentant d'une famille de sorciers qui, durant plus d'un siècle, régnèrent dans Trelot. Son arrière-grand-père, son grand-père, son père, tous ses oncles et tous ses cousins avaient été sorciers et l'ont raconté d'eux des choses terribles et merveilleuses. Une autre fatalité pesait sur les Rabalan. Ils se suicidaient. Depuis 100 ans, on ne connaissait pas un seul Rabalan qui fût mort comme tout le monde dans son lit, de mort naturelle. Ceux-ci se pendaient, ceux-là se noyaient. On citait même un Rabalan qui s'était enterré vif avec un chat noir, un autre qui s'était élancé du clocher de l'église, un autre qui, sur les coteaux de Saint-Jacques, un soir, avait allumé un grand feu de lande et de tourbe et s'était couché sur le brasier rouge en chantant. Leur pouvoir était illimité. Ils guérissaient les malades abandonnés des médecins, rendaient fécondes des terres stériles, arrêtaient les épidémies de bestiaux. Mais il n'était point toujours d'humeur à ces sorcelleries bienfaisantes, et plus volontiers, il se servait de leur puissance magique pour tourmenter les hommes et les bêtes. Il leur suffisait de tremper le bout des doigts dans une pipe de cidre ou une cuvée de vin pour changer cidre et vin en bouse liquide, de passer la main sur le dos d'une vache pour que le lait tournât en urine. Rien qu'à frôler une bête ou un homme, il faisait entrer en eux l'esprit du mal. Et par les champs, l'on voyait des êtres grimaçants courir en agitant les bras comme des ailes de moulin à vent, se tordre sur les talus, se traîner dans les ornières boueuses, à plat ventre, en proie au diable, clamer dans le vent. Pourtant, il était possible de se préserver des enchantements des sorciers. Dès qu'un sorcier vous avait touché, il fallait le battre à bras raccourcis en répétant trois fois « Sorcier, je te rends le mal ». De cette façon, l'ont marqué le diable et l'ont paralysé l'influence mauvaise des sorciers. Chaque année, à la foire de Saint-Michel, le sorcier établissait une vaste tente sur la place de Trélotte. Sous la tente posait une table. Sur la table posait un crucifix entre deux chandelles allumées. De tous les pays circonvoisins, des campagnes et des villes, malades et infirmes, paralytiques, cul-de-jatte et pieds bots, accouraient dans des carrioles, dans des calèches, sur des ânes, sur leurs moignons calleux, s'entassaient sous la tente autour du sorcier. Le sorcier imposait les mains sur ses malades, les malades donnaient une gifle au sorcier, et il s'en retournait guéri. Cela coûtait 2 sous. Notre Rabalan, lui, malgré toute la gloire de ses aïeux, n'avait aucun goût pour la sorcellerie. Il en ignorait même les pratiques fondamentales. C'était un pauvre diable, faible, timide, à moitié idiot, et qui aimait à parler aux bêtes. Il eût désiré d'être berger, mais aucun n'avait consenti à lui confier son troupeau. Dans les fermes où il était venu demander de l'ouvrage, on l'avait chassé. Il avait mendié, et personne ne lui donnait rien. Rabalan serait évidemment mort de faim si l'administration des ponts et chaussées ne l'eût employé à casser des pierres dans le bois de Pierrefontaine, qui est un bois communal, où il y a beaucoup plus de cailloux que d'arbres. Quoiqu'il fût plus inoffensif qu'un mouton, on le redoutait beaucoup à Trélotte, plus qu'aucun des terribles rabalans qui avaient passé dans le pays, parce qu'un sorcier qui se cache d'être sorcier et qui n'exerce pas son art au grand jour est 1000 fois plus dangereux. On le rendait responsable de tous les maux qui arrivaient, de la grêle qui dévastait les moissons, de la pluie qui détrempait la terre et pourrissait les semences, d'une vache qui avait mal vêlé, d'un enfant qui était mort. Et on le battait en disant « Je te rends le mal ». Son corps était couvert de calus et de cicatrices. Souvent, dans les cas pressés, on accourait près de lui. « Sorcier, guéris-moi. Je suis point sorcier, » répondait Rabalan. « Je te dis que t'es sorcier. Je te dis que non. » Et les coups pleuvaient sur le malheureux, qui ne se défendait pas, ne se plaignait jamais. Ils se contentaient de dire « Puisque je suis point sorcier. » Le seul bon temps de Rabalan, c'était dans le bois de Pierrefontaine, loin des regards humains, lorsqu'une vache ayant quitté la pâture s'approchait de lui, traînant ses entraves défaites. Il abandonnait son casse-pierre, soulevait son masque, causait longuement avec la vache, la caressait, était bien heureux. Il aimait aussi voir passer les chevrettes derrière les cépés et bondir les écureuils, la queue en l'air, au bout des pins. Depuis 2 heures, Rabalan travaillait avec acharnement. Son casse-pierre se levait et s'abaissait en un mouvement rythmique sur les cailloux. De temps en temps, il s'arrêtait pour se frictionner le crâne, qui lui faisait terriblement mal. Il ne pensait d'ailleurs à rien, et les petits éclats de pierre volaient autour de lui. Tout à coup, il entendit une voix qui l'appelait. « Hé, Rabalan !» Rabalan se détourna. « Ah, c'est vous, maître Botreau ?» dit-il respectueusement. « Bonjour, maître Botreau. »« Bonjour, sorcier. » Maître Botreau était un gros homme sec, couleur de vin, aux yeux vifs, à la bouche malicieuse. Maire de Trélotte, grand cultivateur, il possédait 8 machines à battre, qu'il louait dans le pays, sa récolte terminée, et avec lesquelles il gagnait chaque année beaucoup d'argent. On l'estimait énormément. « Rabalan, mon gars, » fit-il, « faut que tu viennes à Caen-Aimé, à la ferme neuve, tout de suite. »« Pour qui faire, maître Botreau ?» interrogea Rabalan. Voilà ce que c'est, sorcier. Mais 8 machines ont un sort. Ah, ne marche point. On a eu bio les graisser, les arranger, le foutre du charbon, ah même, ah ne marche point. Alors vous créez comme ça qu'elles ont un sort. Je le crée, affirma Maître Botreau. Puis il ajouta, faut que tu la outes, sors là, t'entends? Je peux point, déclara Rabalan. Pour que tu n'es pas point, dame, puisque je suis point sorcier. Si, tu es sorcier. Non, Maître Botreau. En vérité, du bon Dieu, je suis point sorcier. Maître Botreau éleva la voix. Je te dis que si, mais t'as qu'à faire de mentir, et puis, tu es le maire qui. Ou non, allons vieux. Rabalan se sentit troublé du moment que le maire affirmait d'une façon aussi autoritaire qu'il était sorcier, et il fallait le croire. Ça l'étonnait pourtant. « Je viens, » dit-il. Et il suivit Maître Botreau qui, durant toute la route, s'écriait « Qu'est-ce qu'a pu le foutre un sort comme ça ?»« Lui, machine était rangée dans la cour de la ferme, énorme et triste. Et berger, charretier, bouvier, les regardaient d'un air consterné, les bras ballants. « Allons, dit Maître Vautreau à Rabalan, dépêche-toi. » Le pauvre diable hésita un instant, puis subitement il se mit à courir autour des machines, en agitant les bras, et en clamant d'une voix forte « Baba, Rourou, Lulu !» Rabalan courait, courait, criait, criait. Pendant plus d'un quart d'heure, on entendit « Baba, Brou, Lulu !» Épuisé, la sueur au front, le souffle lui manquait, il s'arrêta. « Ça y est-il » demanda Maître Botreau. Rabalan haletait. Il répondit « Ça y est, Maître Botreau. » On essaya les machines. Elles ne marchaient pas. Alors Maître Botreau s'emporta. « Ah, canaille, voleur, démon » hurla-t-il. « C'était qu'il leur a foutu le sort. C'est ce qu'a dit. » S'avançant vers Rabalan, il le frappa d'un énorme coup de poing en plein visage. « Je te rends le mal. Je te rends le mal. Je te rends le mal. » Et à chaque fois qu'il disait « Je te rends le mal », son poing furieux s'abattait sur le pauvre homme. Rabalan aurait bien voulu s'enfuir, mais il avait les jambes rompues d'avoir tant couru. Il s'affaissa sur la terre, en poussant un long douloureux soupir. « Puisque je suis point sorcier » pleurait-il. Maître Botreau continua. « Je te rends le mal, je te rends le mal, je te rends le mal !» Il s'acharna, s'armant d'un bâton, il en frappait Rabalan à tour de bras. Le sang coulait, s'étalait, le bâton devenait tout rouge. « Je te rends le mal, je te rends le mal, je te rends le mal !» Quand il eut fini de le battre, Maître Botreau s'essuya le front, souffla. « Et les machines » demanda-t-il. On essaya les machines, elles ne marchaient pas. Le fermier eut un geste désespéré. « T'es donc un enragé que ce sacré sorcier-là ? Qu'est-ce que j'allons faire à cette heure ?» Rabalan, sanglant, ne remuait plus. On le souleva. Il était mort. L'assassin de la rue Montaigne. Je le connais. Ne croyez pas que je plaisante, que je veuille vous mystifier. Non, en vérité, je le connais. Ce n'est point un ami, je regrette. C'est seulement une de ces relations intermittentes et lointaines, comme chacun de nous en possède beaucoup à Paris. Il est grand, de jolie tournure, l'air d'un gentleman. Il n'est plus très jeune. Son front se dégarnit, ses tempes s'éraillent. Et quelques rides ont creusé ses joues. Mais il est robuste, de cette robustesse charmante qui se dissimule sous l'élégance d'un corps maigre, souple et nerveux. Son esprit ne manque point d'agrément, et ses manières séduisent. Rarement il n'a été donné de rencontrer une nature plus analytique, plus compliquée, plus subtile que la sienne. Quand il décompose une action, un sentiment humain, il surprend véritablement par la curiosité, par la profondeur, par la perversité de ses investigations psychologiques. Et une chose m'inquiète en lui, son regard. Un regard froid et pâle qui vous pénètre par derrière comme une lame de surin et qui ne supporte pas l'examen prolongé d'un autre regard qui croise le sien. Alors il se dérobe, s'effare, fuit d'un coin à l'autre la paupière et finit par se cacher, par s'acculer, tremblant au fond de l'œil, dans l'ombre des cils. C'est le seul défaut de cet homme impassible, étonnamment maître de lui. Mais ce défaut échappe à bien des gens. Et pour se rendre compte de ce que ce regard contient de vie mystérieuse et trouble, il faut être doué de quelques observations. Un jour chez lui, où j'étais venu par hasard, je le vis jouer avec un couteau. Et c'est la première fois que j'eus la sensation très nette et poignante que je me trouvais en présence de l'assassin. Il semblait qu'il avait dans les mains un archer avec lequel il allait tirer de cordes invisibles des musiques délicieuses et violentes. Il était évident aussi que ses doigts éprouvaient, à toucher ce couteau, des titillations monstrueuses, des spasmes, des jouissances horriblement physiques. Perdu dans je ne sais quel rêve de chair et de sang, il le palpait, il le maniait avec d'étranges caresses. J'eus peur qu'il se rassure. Je ne dénoncerai pas. Et le dénoncerai-je qui n'aurait rien à craindre de ma dénonciation. Car je n'ai contre lui que des certitudes intuitives, que des preuves intellectuelles. Les magistrats me rient étonnés, ou bien ils se fâcheraient. Et Dieu me garde de fâcher un magistrat. J'aimerais mieux agacer un lion dans son antre, taquiner un tigre à l'affût parmi les hautes herbes au bord d'une source. D'ailleurs, parviendrais-je à semer un doute dans l'âme obscure et stérile d'un juge, que lui, l'assassin, se présenterait souriant, invincible, et qu'en 3 minutes, il aurait persuadé le juge que c'est vous, moi, n'importe qui, le coupable, et qu'il nous ferait condamner à mort? Ah, je le connais. Cet homme m'a souvent hanté à cause de ce regard, de ce couteau, et aussi à cause du problème de sa vie. De quoi vivait-il? Sans métier, sans ressources connues. Il dépensait pas mal d'argent. Joueur? Non, il n'entrait jamais dans un tripot. On parlait vaguement d'un parent riche qu'il aimait. Était généreux avec lui, mais en réalité, on ne savait pas. Je le surveillais clandestinement et j'appris ainsi qu'il avait les plus bizarres manies du monde. Il connaissait toutes les filles, celles qui vivent dans les hôtels garnis, aussi bien que celles qui habitent chez les appartements luxueux des quartiers chics. Il allait chez elles, les interroger sur leur manière de vivre, sur les hommes qu'elles recevaient, sur ce qu'elles gagnaient, sur les parents qui leur restaient. Bien souvent, on le jetait à la porte, on l'appelait mouchard. Mais il revenait, s'obstinait, s'acharnait. On s'habituait à lui. Après quelques visites, il avait conquis la confiance. Il se faisait lire des lettres, appelait les plus intimes confidences, donnait des conseils, s'offrait comme intermédiaire dans des affaires difficiles et délicates. Puis, un beau jour, l'une de ces malheureuses était trouvée assassinée et violée. Il y avait toujours des combinaisons admirables pour mettre la police sur de fausses pistes. Un jour, à la suite de ces drames mystérieux, je lui demandai « Ne la connaissiez-vous point, cette femme ?» Il ferma les yeux, se recueillit comme s'il ne voulait rien perdre d'un souvenir qui lui causait de vives joies, et portant sa langue sur ses lèvres, comme fait d'un chat. « Oui, je l'avais vue quelquefois, la pauvre fille. C'est affreux. C'est lui qui assassina Marie Felrat, Agathe Stein, Marie Aguetant. » Il assassinera d'autres filles encore cette année et les années qui suivront, d'autres dont j'ignore les noms. Et que lui sait, étant un homme méthodique et qui voit de loin ses victimes. Lorsque j'aperçois, couchés dans leur Victoria ou fouillant l'ombre obscène au détour de rues nocturnes, quelques-unes de ces mélancoliques créatures, je ne puis m'empêcher de penser à cet homme et de me dire « Demain, peut-être l'une d'elles sera tuée par lui ». Ah, je le connais. Tandis qu'on cherche dans tous les ridecs belges un assassin innocent et chimérique, lui se promène tranquillement sur nos boulevards et dans nos rues. Chaque jour, il coudoie des juges, des présidents de cours d'assises, des hauts personnages de la police, avec lesquels il s'entretient de choses amusantes et parisiennes. Je l'ai rencontré hier. Il marchait très vite, fouettait l'air de sa canne, chantonnait et fumait un gros cigare. Il avait l'affectueuse et sympathique apparence de quelqu'un qui vient de bien déjeuner. « Ah, c'est vous, cher ami, me dit-il, tout joyeux, comme il y a longtemps. Et que devenez-vous ? » Il me prit par le bras, et nous voici arpentant de compagnie le large du trottoir. Naturellement, sa première question fut pour le crime de la rue Montaigne. Il me demande « Que pensez-vous de cela ? N'est-ce pas effrayant ?»« Effrayant, répondis-je. Et vous savez qu'on n'arrêtera personne ?» Personne. Croyez-vous beaucoup à ce Gessier, à ce Gessler? Pas du tout. C'est singulier. Ni moi non plus. Ces manchettes, cette ceinture avec le nom écrit dessus, pourquoi pas l'adresse tout de suite, me paraissent bien suspectes. Pour moi, il appuya sur ces mots avec persistance. Pour moi, ces objets ont été mis là exprès afin de dérouter les recherches. Admettons, et notez que je ne l'admets pas. Admettons que l'assassin ait pu égarer sa ceinture, puisque on l'a, dit-on, retrouvée sous un meuble. Mais ces manchettes, près du cadavre, ces manchettes me semblent cousues de fil rouge. C'est l'enfance de l'art, ces manchettes. Et dire que cela prend toujours. Il riait, et dans son rire il y avait une ironie qui me fit mal. Alors je m'arrêtai, et le regardant bien en face, les yeux dans les yeux, je lui criai. « L'assassin, je le connais, c'est vous !» Il ne se troubla point. Son visage demeura impassible. Seul son regard s'agita, et entre ses paupières rapprochées par l'étroite et noire fissure de cils aussitôt rejoints, j'aperçus une lueur rapide comme un éclair, une lueur de haine effroyable. Sa bouche souriait. Il me prit le bras de nouveau et d'un ton très dégagé. « Êtes-vous drôle ?» me dit-il. « Ah, cher ami, c'est très drôle !» Et avec une exquise brusquerie de transition, comme en ont les femmes, il me parla de Mademoiselle Cerny, qu'il trouvait ravissante. « Ravissante, mon cher, ravissante !» Il m'exprima ensuite son opinion sur la critique du lendemain et celle du lundi. « Que nous sommes donc badauds ?»« Et qu'est-ce que cela peut bien nous faire ?»« Un jour, ou bien un autre jour, ce sera toujours la critique, n'est-ce pas ?» Il me quitta dans les Champs-Élysées. Il faut que je monte un instant chez la petite D. Je ne pus m'empêcher de le retenir, de m'accrocher à lui. Comment ? Elle aussi, balbutiai-je. Voyons, vous ne ferez pas cela. Il me regarda d'un air étonné, comme s'il ne comprenait pas. Puis, tout à coup, il partit d'un grand éclat de rire. Ah oui, parfaitement. Elle est très drôle, cher ami. Avant l'enterrement. Le maître Poivret descendit de sa carriole devant la boutique de son gendre, Pierre Gasselin, attacha le cheval à un gros anneau de fer scellé dans la bordure du trottoir, et, ayant par trois fois éprouvé la solidité du nœud de la longe, il entra dans la boucherie en faisant claquer son fouet. « Y a-t-il du monde ? » cria-t-il. Le chien qui dormait, barrant le seuil de son corps étendu, se leva, grognant, et alla se coucher plus loin. La boutique était déserte, et comme c'était un jeudi, l'étal à peu près dégarni de viande, un quartier de bœuf presque noir, gisait sur le billot couvert de mouches bourdonnantes, à l'un des crocs mobiles du plafond, un cœur de veau pendait, fendu par le milieu. Dans un coin, au fond d'une bassine de cuivre, des os sanguinolents et des paquets de graisse jaunâtre commençaient à pourrir. Et de cela, une odeur s'exhalait, l'odeur affadissante de la mort, qui vous soulève l'estomac dans les hôpitaux et les charniers. « Y a-t-il du monde ?» répéta Maître Poivret. « Hé, Gasselin, octet !» Gasselin sortit du café Gadeau, situé juste en face de la boucherie, de l'autre côté de la rue. Il s'essuya la bouche du revers de sa main, ralluma sa pipe éteinte et accourut, disant « Me v'là, me v'là !» Il était nu-tête, la face toute rose, grasse et fraîche, les manches de sa chemise relevées jusqu'à la saignée. Son tablier de toile blanche, étoilé de taches rouges, le recouvrait tout entier, depuis le foulard bleu noué très lâche autour du cou jusqu'aux sabots, où ses pieds étaient nus. Son foiril dansait le long de sa jambe gauche au bout d'une chaîne d'acier. Il s'avança sur son beau-père et lui tendit la main. « Ça va-t-il comme vous voulez ? Ça va, mon gars, ça va tout bellement. Faut-il donner de l'avoine à votre cheval ? Par qui non, il a bu et mangé ce matin. » « Je viens de la foire de Chaussan, mon gars. »« C'était-il une bonne foire ?» Maître Poivret hocha le chef. Il répondit simplement. « Ouah, ouah, point tant bonne, point mauvaise du tout. Les prix tiennent au corps. » Changeant de ton. « Eh ben, quoi donc, en arrivant à la maisonnière, le petit gars Auguste m'a appris le malheur. »« Ben oui, ben oui. » »« Alors j'en point d'ételé, j'en seulement donné 4 litres d'avoine à mon cheval et puis me v'là. » Pierre Gasselin demanda. Vous allez peut-être bien vous rafraîchir. Ma foi, c'est point de refus. J'ai la gueule sèche quasiment comme un four. Alors c'est pas vrai, c'est pas de la frime. Elle est morte ta femme. Le boucher prit sa pipe en secoua la cendre sur le talon de son sabot. Elle est morte, dit-il, cette nuit, sur le coup de 2 heures. Oui, 2 heures et demie peut-être. Dans ce tournant-là, quoi. Cette nuit, fit Poivret, qui balança la tête. Can, voyez-vous ça? Quoi qui a pris? C'est donc une maladie enragée, un coup de sang? Gasselin expliqua. C'est point un coup de sang, Maître Poivret. Non, point un coup de sang. C'est du ventre. Le ventre y a gonflé, elle a crié. Ah, mazette qu'elle a crié. Et puis, elle est morte. Voilà comment elle est morte, mais on ne m'outera point de l'aider une chose. Quelle chose, mon gars? Eh ben voilà, il y a 15 jours, peut-être 12, peut-être plus, peut-être moins. Enfin, il y a 15 jours, votre fille m'a dit, je sais quoi, je crois qu'elle m'a traité de cochon sous l'eau à cause d'une fête que j'avions fait avec le gars Bakou et le gars Moté. Alors j'ai dit de me foutre la paix, mais qu'un gentiment, pas fâché, en ami, quoi. Mais voilà qu'elle m'agonie de sottise. Plus fort, et puis ça, et puis l'autre. Alors j'ai donné une claque. Et puis un coup de pied dans le ventre. Ben, vous pensez bien, maître Poivré, c'était pour jouer, sans malice. Je voulais pas lui faire de mal. Là-dessus, on se remet. Le lendemain, elle se plaignait, elle disait, je ne sais pas ce que j'ai dans le ventre. J'ai quelque chose dans le ventre, pour sûr. Une bête, une grosse bête qui me mange. Ça ne l'empêchait point d'aller, de venir, de servir des clients. Avant-hier, ça l'a repris plus fort. Elle s'est couchée, elle a gonflé, et elle gueulait. Enfin, elle est morte. Du diable, si j'ai jamais cru qu'un coup de pied dans le ventre comme ça, en jouant, pas fâché, ça pouvait crever une femme. Poivret se gratta la nuque, et tout songeur, il répéta. Ken, voyez-vous ça? Il ajouta d'un air moitié navré, moitié résigné. Ce que c'est que nous, pourtant? C'est comme la Poivrette, sa mère, et défunt ma femme. Elle est morte et dans un rien de temps, un arbre qui a tombé dessus, le coup, tu sais bien, le sacré grand noyer de la ferme. Ben oui, j'ai mis Gasselin. Vous voulez peut-être bien la voir, votre fille. Elle est là-haut, maître Poivret. Poivret répondit, tout de même, mon gars, allons la voir. Et tous deux, ils traversèrent l'arrière-boutique, s'engagèrent dans un escalier obscur et s'arrêtèrent devant une porte entrebâillée. Le beau-père dit au gendre, passe devant, t'es. Non, vous, maître Poivret. Non, mon gars, non, c'était. Ils entrèrent dans la chambre en marchant sur la pointe du pied. Maître Poivret s'était découvert, tourné, très respectueux, sa casquette dans ses mains, ses petits yeux étaient devenus tout ronds, énormes. Ses lèvres jointes fermaient la bouche en deux plis en bombant, qui donnaient à sa physionomie une singulière expression d'effarement comique et d'émotion comprimée. Il regarda autour de lui. Sur le lit, une femme était couchée, la figure renversée, les traits affreusement tirés, le teint plombé, le corps rigide sous le drap qui moulait les parties saillantes et les formes cadavériques. Ses mains croisées sur la poitrine tenaient un crucifix. Près du lit, une vieille veillait et priait, et près de la vieille, sur une table ornée d'une nappe blanche, deux bougies brûlées, flanquant de leur lueur triste un autre crucifix, plus grand. Un aspergeoir fait de quelques brindilles de bouleau, trempé dans un pot de terre rougeâtre, rempli d'eau bénite. Maître Poivret se signa et s'approcha du lit. Pendant quelques minutes, il considéra sa fille, essayant parfois de se pencher sur elle comme s'il eût voulu l'embrasser, puis se redressant subitement, envahi par une crainte vague qu'il était incapable d'expliquer. À la fin, il posa sa grosse main noueuse sur la main de la morte et il la retira aussitôt en faisant une grimace douloureuse, ainsi qu'un homme qui s'est brûlé à un fer chaud. Il alla retrouver son gendre qui était resté au milieu de la pièce et lui dit à voix basse, ah, la bien morte, ah, elle est froide. Matin, qu'elle est froide. Ils redescendirent gênés, affaiblis, troublés malgré eux, par le grand mystère de la mort qu'ils ne comprenaient point. Matin, qu'elle est froide, répétait maître Poivret, en risant de cette exclamation le bruit sourd de ses sabots sur les marches de l'escalier. À quoi Gasselin répondait, et jaune, et jaune. Dans la boutique, ils se regardèrent. Vous voulez peut-être prendre un verre pour vous remettre? Demanda le gendre. Et le beau-père remercia. Je veux bien, et dire qu'il n'y a pas 5 jours, elle se portait comme père et mère. Quoi? Voyez-vous ça? Lentement, ils traversèrent la rue, Poivret marmonnant, qu'elle est fraîche, Gasselin ripostant, et jaune, maître Poivret. Attablés au café, devant une bouteille de vin, ils restèrent d'abord silencieux. Poivret remplit les verres en faisant couler le liquide de haut. À ta santé, dit-il. À la vôtre, maître Poivret, répondit Gasselin. Puis ils causèrent longtemps du prix de la viande, de la qualité des pâturages, de la foire, de chassant. Maître Poivret se plaignait qu'on ne vendait plus les antennés comme autrefois. Si je n'avions point l'Espagnol et les Américains pour nous acheter nos bêtes, quoi que je deviendrions? Comme il se levait, ayant bu 2 bouteilles de vin et tout à fait ragaillardi, Poivret dit à Gasselin, c'est pas tout ça, mon gars. Quand est-ce que je l'enterrerai? Eh bien, voilà quel embarras. Demain vendredi, je tue. Le beau-père approuva. Ben oui, je peux pas l'enterrer demain. Ben non, samedi, c'est le marché. Ben oui, Je peux pourtant pas laisser gâter ma viande. Ben non, c'est bien embarrassant, maître Poivré. Il y eut un silence de quelques minutes. Le maître Poivré réfléchissait. Enfin, sur un ton confidentiel, il prononça. Je vais te dire, mais c'est que ça va se gâter tout, la pauvre femme. Ben oui. Et qu'est-ce qui va faire tourner ta viande? Ben oui. Quoi faire, maître Poivré? Dites, quoi faire? Maître Poivré réfléchit encore, très grave, le menton dans la main, et il dit, en faisant un geste large, si je reprenions une autre bouteille. Le petit gardeur de vache. Messieurs les jurés, durant les longs mois de ma pénible détention dans la prison de C, j'ai acquis la certitude que les juges d'instruction, les procureurs de la République, et en général tous les magistrats qui ont sur les hommes charge de vie et charge de mort, se font une effroyable et très fausse idée des actions humaines. Leur intelligence du crime ne va pas au-delà de certains faits classiques, de certaines conceptions arbitraires, auxquelles ils rattachent, avec un odieux et mécanique entêtement, tous les crimes qu'ils ont mission d'élucider et de punir. Dans les crimes que j'appellerais philosophiques, ils ne tiennent compte de rien, ni de la sensibilité particulière à chaque individu, ni des raisons morales, naturelles, éternelles, supérieures par leur immuabilité aux lois. À la loi, si vous aimez mieux, capricieuse et vaine qui change avec le temps, avec les gouvernements, avec les majorités parlementaires, avec le diable sait quoi. Les magistrats sont bornés, ignorants, routiniers, essentiellement romantiques et féroces par indifférence, quand ils ne le sont pas par tempérament. Ils sont magistrats, enfin. D'ailleurs, je ne puis admettre qu'un homme ait osé se dire, à un moment quelconque de sa vie, je serai juge. Cela m'épouvante. Ou cet homme a conscience de la responsabilité effrayante qu'il assume, et dans ce cas, c'est un monstre, ou il n'en a pas conscience, et dans ce cas, c'est un imbécile. Imbéciles et monstres, voilà par qui nous sommes jugés, depuis qu'il existe des tribunaux. Et voyez si je me trompe. J'ai tué un petit gardeur de vache dans les circonstances claires, évidentes, forcées que je vais vous raconter. Car méconnaissant le droit des juges et dédaignant la protection rapetissante des avocats, encore faut-il que je vous construise des faits qui m'amènent devant votre justice. J'ai tué ce petit gardeur de vache parce que cela était juste, parce que cela était nécessaire. Or, le juge à qui était confiée l'instruction de mon procès voulut absolument que j'eusse tué le petit gardeur de vache pour le voler. Par quelle suite de raisonnements bizarres, par quelle saugrenue déduction cette idée avait-elle pénétré le cerveau de ce juge? Je l'ignore. En vain je lui expliquais l'absurdité de cette supposition, en vain je lui représentais que j'étais riche de 60 000 francs de rente, que le petit gardeur de vache ne possédait vraisemblablement que les pauvres guenilles qu'il portait sur son dos quand je le tuais. Il insista, s'entêta, et cela dura 2 mois. Il me faisait venir à son cabinet, entre 2 gendarmes, ou bien lui-même me visiter dans ma cellule, et chaque fois il me disait, en arrondissant la bouche, « Avouez que vous l'avez tué pour le voler. » Je répondais agacé, « Voler quoi? Mais quoi? Quoi? Quoi? » Alors il me regardait presque suppliant. « Avouez, il y va de votre tête. Pourquoi n'avouez-vous pas? La cour vous tiendra compte de votre franchise. Avouez donc. » Je répliquais, c'est de la folie, de la folie, de la folie. Comment l'aurais-je volé et qu'aurais-je pu lui voler, je vous le demande. Enfin, obsédé, énervé, pour couper court à des visites qui me répugnaient fort, un matin je dis au juge, eh bien j'avoue, c'était pour le voler, vous entendez, pour le voler. Je pensais, je croyais que le petit gardeur de vache avait sur lui des bijoux, une montre en or, un portefeuille bourré de billets de banque, des actions des chemins de fer. Le juge m'interrompit et poliment il prononça « Ça suffit !» Puis, se tournant vers le greffier, qui curait ses oreilles et rongeait ensuite ses ongles avec obstination, « Écrivez, commanda-t-il, j'avoue que c'était pour le voler que j'ai assassiné le petit gardeur de vache. » Le lendemain, les journaux, qui jusque-là avaient parlé avec colère de mon endurcissement, louèrent en termes ineffables le juge de sa merveilleuse sagacité. « Messieurs les jurés, je m'adresse à vous qui êtes des âmes simples, à vous qui n'avez pas été élevés dans les couloirs sombres des geôles et dans les louches réduits des palais de justice. Je vous raconterai sans phrase, naïvement, sincèrement, comment je tuai le petit gardeur de vaches, et vous me jugerez ensuite, selon mes œuvres et selon votre conscience. Encore un mot. Quelques honnêtes gens, grands défenseurs d'autorité et de ses symboles, partisans imperturbables des hiérarchies sociales, s'étonneront de voir un magistrat prendre ouvertement parti en faveur de l'être infime qu'était le petit gardeur de vaches contre un homme riche, jouissant d'une haute position dans le monde, tel que je suis, et concluront que cette anomalie a ma triple culpabilité. Je leur dirai seulement que je suis l'auteur d'un livre intitulé « La réforme judiciaire » dans lequel, au nom de la morale, au nom de la philosophie, au nom de l'humanité, je m'élève contre la puissance monstrueuse laissée sans contrôle, sans justice, aux mains indifférentes des juges. On pardonne une infamie aux gens de ma sorte. On ferme les yeux sur un crime. Mais ça, voyez-vous, ça, la guillotine, mon récit sera court. La propriété que j'habite est entourée de larges fossés et fermée d'une grille. Pour empêcher les escalades nocturnes, les billets de la grille sont pourvus jusqu'en bas de pics de fer qui s'enchevêtrent, se recourbent, dardant leurs pointes en tout vent, en tous sens, sous un épais feuillage de vierge, de lierre et d'aristoloche. Un matin, franchissant la grille, j'entendis un miaulement douloureux et prolongé, et j'aperçus, cloué à l'un des piquets de fer, par la patte, un pauvre petit chat au pelage fauve, rayé de noir. Il devait être là depuis longtemps, car sur les feuilles emmêlées, je découvris des coulées de sang séché et noirâtre. Sa patte, traversée par la tige de fer, était cassée en deux endroits, et la peau arrachée laissait une partie de sa cuisse à vif. Je détachai le chat, que je reconnus pour être celui d'une ferme voisine. Il faisait pitié à voir et à entendre, et je fus ému, je vous assure, comme devant une souffrance humaine. Je pensais d'abord à le tuer, mais je réfléchis qu'il ne m'appartenait pas, et j'allais le porter à son maître. « Ah ben !»« Ah ben !» s'écria celui-ci. « C'est le petit gardeur de vache qui aura fait le coup pour s'amuser. Il se plaît qu'à agacer les bêtes. C'est ce gamin-là. Il sait quoi inventer. Votre chat est perdu, dis-je. Il est inutile de le faire souffrir davantage. Je vous engage à le tuer. Ce sera mieux ainsi. Ben oui, je le tuerai à nuit. Et là-dessus, je m'en allais. Comme je rentrais chez moi, je vis le petit gardeur de vache, appuyé contre un arbre, qui me regardait en dessous, l'air tout drôle. Il sifflotait un refrain paysan et il affectait de tailler une gaule de châtaignier fraîchement coupé. Il ne me salua pas. Ce jour-là, je le rencontrai partout sur ma route. Il me suivait, ainsi qu'une mauvaise pensée. Sur un talus, brusquement, sa petite figure sournoise et cruelle se levait. Elle apparaissait entre les feuilles des arbres, dans le bois, au bord des allées. Je pouvais faire 20 pas qu'elle ne se dressât devant moi. Ironique, irritante, épouvantable. Le soir, le petit gardeur de vache chanta longtemps autour de la maison. Il chanta à plein gosier, et sa voix se mêla aux cris des orfraies. M'étant mise à la fenêtre, il me sembla, effet de l'hallucination, voir ses yeux luire dans l'ombre, à la cime d'un hêtre. 8 jours après, je me promenais dans les champs, longeant une haie large dont la douve est plantée de trônes de charme et de jeunes châtaigniers. Et tout à coup, dans l'épaisseur de la haie, je vis le petit gardeur de vache. Le bruit que faisaient 2 grosses vaches en broutant les pousses fraîches l'avait empêché de m'entendre revenir. Je l'examinai, et véritablement, j'eus peur. Un frisson me secoua de la tête aux pieds. Accroupi dans les feuilles parmi les ronces, il s'amusait à maltraiter le pauvre chat que j'avais détaché de la grille et que je croyais mort. Il lui enfonçait des épines dans les yeux, avivait les plaies de sa cuisse en les frottant sur un caillou. Puis il lui serrait la gorge entre les doigts et le secouait dans l'air en hurlant avec une joie féroce. À torturer le pitoyable animal, il prenait un plaisir monstrueux. Cela se lisait dans ses yeux, où flambait une lueur sinistre, un effroyable regard d'assassin. Oh, ses yeux! Comment les oublier jamais? Ses yeux inexprimables, qui avaient la couleur et la forme d'un coup de couteau. La colère me saisit. D'un bond, je fus près de lui, dans la haie. « Que fais-tu là, petit misérable ? » criai-je. Il ne parut pas s'étonner beaucoup et me répondit point. « Lève-toi, » commandai-je. Il ne bougea pas. « Veux-tu bien te lever ? » Rien, pas un mot, pas un geste. Rien que ses yeux hallucinants, qui entrait en moi me pénétrait comme une lame de surin. Alors je me jetai sur lui, et de mes poings convulsés, je lui broyai la gorge. « Assassin! Assassin! Assassin !» criai-je. Il essaya de se débattre, de me déchirer les bras avec ses ongles, puis, peu à peu, ses membres se détendirent. Ils eurent quelques contractions de spasmes et retombèrent inertes le long de son corps. Comme il remuait encore sur l'herbe où je l'avais étendu, je l'achevai d'un coup de soulier sur le crâne. Voilà tout. Maroquinerie. C'était une petite boutique fort banale d'aspect et toute neuve, toute luisante, à la montre de laquelle s'étalait ingénieusement arrangée une quantité d'objets bizarres qui sollicitèrent mon attention. Ce qu'il y avait de particulièrement bizarre en ces objets, c'est qu'ils étaient réellement puissamment bizarres, sans qu'ils eussent la moindre apparence extérieure de bizarrerie. Cette bizarrerie, on la devinait, on la sentait, mais on ne la voyait pas. Elle inquiétait d'autant plus qu'on eût pu dire à quel ordre fait psychique elle se rattachait, quelle coïncidence spirituelle existait entre ces objets, d'un commerce journalier courant, semblait-il, et la sensation d'être très intense d'une indéfinissable horreur que leur rapide inspection faisait naître dans les âmes. Ces objets, la plupart de cuir ouvragé, ressemblaient tous à ces affreux bibelots connus sous le nom d'articles de Paris. Ils en avaient la forme laide et sans art, la destination vague, l'insupportable quinquant. Cependant, si bourgeois qu'ils fussent, ils étaient terribles. Sous leur vulgaire enveloppe, il y avait un grand et pathétique mystère. Mais lequel? Cela m'intrigua infiniment. Pour les examiner de plus près, je m'écrasai le nez contre la glace de la vitrine qui s'interposait entre eux et moi, et je commençai à les étudier, de les détailler dans leur physionomie morale. Hélas, je n'ai jamais eu la passivité qu'il faut à un moderne savant, et mes nerfs ont vite pris le dessus sur ma volonté. Et bientôt j'eus peur, si peur, que je reculai sur le trottoir, secoué en toutes mes moelles par un frisson. Était-ce en effet de mon imagination encore troublée par une maladie cérébrale récente, ou bien une de ces hallucinations auxquelles je suis sujet quelquefois? Je ne le crois pas en vérité. Il me parut que ces objets remuaient, vivaient, grouillaient comme des larves. Non, pas comme des larves, comme les tronçons d'un corps morcelé à coups de hache, qui cherchent à se rapprocher, à se rejoindre, à se recoller l'un à l'autre. Et dans cet effort volontaire à se reconstituer, dans cette aspiration consciente à se réunir en un seul corps, je vis ces multiples objets dessinés en leur spasme de vagues ébauches de figures humaines. Pendant quelques minutes, je restai sur le trottoir, sans bouger, et pour ainsi dire, pétrifié par la terreur. Pourtant, des gens allaient et venaient devant la boutique, la regardaient distraitement, avec indifférence, et tous passaient sans manifester le moindre sentiment d'effroi. Un coupé s'arrêta, et à deux pas de l'endroit où je m'étais subitement immobilisé, deux jeunes femmes, jolies, élégantes, en descendirent, pénétrèrent dans la boutique, en ressortirent 5 minutes après, rieuses et légères, avec chacune de petits paquets à la main. Je compris que j'avais été le jouet d'une erreur de mes sens, et je revins près de la vitrine, assez disposé à me rassurer, quand, nettement, distinctement, j'aperçus un porte-carte en cuir rougeâtre, s'ouvrir de lui-même, bâiller ainsi qu'une bouche, faire des efforts pour articuler des sons. « Oh ! » criai-je. « Qu'est-ce cela ?» Et une sueur froide au front, je faillis tomber à la renverse. J'eus alors l'idée, malgré mon émoi, de regarder l'enseigne de la boutique. Sur une plaque de marbre noir était gravé en lettres d'or de caractère elzévirien ce mot unique, maroquinerie. Pendant que j'avais les yeux en l'air, occupé à découvrir une inscription, un signe révélateur, un homme apparut sur le seuil de la boutique, me sourit et me dit d'une voix douce « Entrez donc, monsieur !» Chose inconcevable. Sans jamais avoir vu cet homme, je le reconnus aussitôt. C'était monsieur Taylor. Celui-ci réitéra son invitation gracieuse, avec des mots si engageants, des gestes si cordiaux, que je surmontai mes appréhensions. Résolument, je franchis ce seuil étrange. « Veuillez vous asseoir, monsieur, » fit monsieur Taylor en avançant un siège. L'ancien chef de la sûreté alla s'asseoir derrière un comptoir encombré des mêmes objets que j'avais déjà remarqués à la devanture. Et croisant ses mains sur une pile de porte-cartes qu'il tapotait gracieusement, il me regarda avec affabilité. Je vous ai vu tout à l'heure, si intrigué, me dit-il au bout d'un instant, que j'ai cru, je me suis permis. Enfin, j'étais indiscret. Vous ai-je désobligé? Nullement, mon cher monsieur Taylor, répondis-je. Je suis en effet curieux de ces choses. Je m'enhardissais. D'un coup d'œil circulaire, j'embrassais toute la boutique et je demandais. Alors tout ça, c'est... Monsieur Taylor inclina la tête affirmativement. Oui, fit-il, tout ça, c'est... Je le remerciais de sa délicatesse, à ne pas prononcer des mots terribles que moi-même j'avais visiblement évité de prononcer. Il y eut un silence. Monsieur Taylor, le premier, reprit la parole. Il y a, monsieur, des nécessités souvent cruelles dans la vie. Forcé de donner ma démission, il fallait bien que je vive pourtant. Alors j'ai monté ce magasin avec ma petite collection et celle de mon associé Goron comme fonds principal. Mais ces petites collections ne suffisent plus. Je m'agrandis beaucoup. Vous n'employez pas que la peau des suppliciés. Je le devrais, murmura tristement M. Taylor. Mais comment faire? La production en France, elle n'est pas énorme. On peut même dire, grâce à M. Grévy, qu'elle est très faible. Il soupira profondément. Il nous faudrait une monarchie. Dans l'état politique actuel, je suis obligé d'avoir recours à l'étranger, ce qui est fâcheux. N'importe, monsieur, je me suis mis en relation avec les bourreaux de tous les pays, avec quelques souverains absolus, aussi comme celui de Dahomey, par exemple, qui m'envoie tous ses cuirs régulièrement. Et c'est solide, tout de même? Mon Dieu, il y en a de toutes les qualités. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme en toute chose, n'est-ce pas? Et monsieur Goron, demandai-je. Goron, il travaille au laboratoire. Il est très fort, Goron, vous savez. Je lui dois bien des progrès dans la partie. D'abord, nous servions que de la peau. Maintenant, nous nous servons de tout. Des os, des cartilages, du sang, des cheveux, de la gélatine des pieds, des ongles. C'est étonnant comme avec les moindres déchets d'un homme, on peut fabriquer de charmants bibelots. Ainsi, Goron étudie en ce moment un nouveau manche de parapluie, appelé à faire sensation cet hiver. C'est ainsi bien, ainsi, façonné autour, ajouré au ciseau, avec un œil serti dans la pomme, le difficile est de parvenir à bien dessécher l'œil, à le rendre dur comme de l'agate, sans lui enlever l'éclat de la prunelle. Nous voulons même arriver à ce que l'œil semble pleurer. Vous exposerez en 1891? Sans doute, c'est notre intention. Mais il nous faudrait un clou d'ici là. Pranzini 2 sera usé. M. Taylor devint rêveur. Il mit ses mains dans ses poches, se balança sur sa chaise et regarda au plafond. 1891, c'est l'année de l'exposition universelle. Pranzini, condamné à mort, fut exécuté en 1886. Il nous faudrait un assassin extraordinaire, poursuivit-il. J'en connais bien, parbleu. Il ferait joliment notre affaire. Mais voilà, le tout est dépincé. Si seulement nous avions une victime de grande marque, une femme du monde. Je ne puis m'empêcher de m'écrier. Comment une victime? Vous employez aussi les victimes? Quelquefois, répondit M. Taylor doucement. Mais c'est rare. Il faut des occasions, des circonstances. Tenez, j'ai là un porte-allumette fabriqué avec un morceau de la cuisse de Marie Regnault. Ce qu'on me demande, mais je le garde comme type, comme modèle. Oh, quel cuir, quel grain! Enfin, vous êtes content. Ça marche-t-il? Ça marche, nous ne sommes qu'au début, mais ça marche. J'ai la clientèle de la magistrature et de la galanterie. Monsieur Taylor avait près de lui, à sa droite, une sorte de corbeille pleine de poudre rouge, dont il prenait des poignées de temps en temps, qu'il faisait ensuite ruisseler de haut entre ses doigts, avec délicatesse. Qu'est-ce cela? Demandai-je. Ah, cela est de la poudre pour le papier à lettres. Nous la faisons avec du sang séché, pilé, tourné. Il s'interrompit brusquement et cria. Oh, les maladroits, ils ont laissé du sang. Puis fouillant la poudre, il en retira quelques petites saletés qu'il jetait sur le parquet d'un air mécontent. Quand il eut fini ce travail, il conclut. Il faudrait toujours être sur le dos des ouvriers. J'avais terminé mon inspection de la boutique et de ces 1 000 objets, et je me disposais à me retirer. Ce n'est pas tout, me dit confidentiellement M. Taylor. Vous pensez bien que je ne veux pas en rester là. Je rêve de révolutionner l'industrie moderne. J'ai des projets, de grands projets, de gigantesques projets. Tenez, attendez-moi une seconde. Monsieur Taylor disparut par la porte du fond et revint bientôt, un violon à la main. Il me pria de l'examiner. Qu'est-ce cela, je vous prie ? Me demanda-t-il. C'est un violon, répondis. Monsieur Taylor haussa les épaules. Mais ça. Et il tapait à petits coups secs sur la boîte. Je ne sais pas, fis-je humblement. Ça, c'est le crâne d'Abadi. Et ça, et il pinçait les cordes qui résonnaient mélodieusement, ça, ce sont les boyaux du marchandon. On dirait de la voix humaine. Écoutez. Monsieur Taylor, jetant alors ses cheveux en arrière, les yeux enthousiastes, le corps frémissant, posa son archet sur le violon, et j'entendis une divine musique. Monsieur Taylor jouait sur le crâne d'Abadi et les boyaux de marchandon, l'air céleste du cygne de Lohengrin. Et pendant que Monsieur Taylor jouait, je vis s'effacer, s'évanouir les choses autour de moi. Et je me réveillai.